4. Formation du féminin, cas particulier. Certains noms ont des terminaisons et des prononciations très différentes au masculin et au féminin. Un musicien. Une musicienne. Un champion. Une championne. Un cuisinier. Une cuisinière. Un serveur. Une serveuse. Un acteur. Une actrice. Un chanteur. Une chanteuse. Un sportif. Une sportive. Certains noms ont des formes très différentes au masculin et au féminin. Un homme. Une femme. Un garçon. Une fille. Un père. Une mère. Un frère. Une sœur. Un mari. Une femme. Un fils. Une fille. Un copain. Une copine.